Il faut déjà remonter à l'origine de tout ça. Il faut savoir que tous ces dictateurs, c'est vrai que c'était relativement des dictateurs dans leur pays, étaient tous membres de l'Internationale socialiste, à mon avis tous de maçons, comme souvent les leaders africains non marxistes, et soutenus entièrement par la France jusqu'à hier, puisqu'on voit bien le ridicule de Alio Mari, l'ambassadeur de Tunisie, enfin voilà, le gouvernement français une fois de plus a déshonoré la France, a bougé au dernier moment après tout le monde, et aujourd'hui ils prétendent accompagner une démocratisation de certains régimes alors qu'ils ont jusqu'au bout proposé d'aider à la répression comme Alio Mari, proposé leur savoir-faire policier, leurs armes, etc. Donc à tout ça est une mascarade grotesque, et je le dis bien, ce gouvernement Sarkozy n'a rien à voir avec le peuple de France et avec moi. Pour moi, ces gens-là ne sont pas des Français, ce sont des traîtres à la France qui méritent d'ailleurs de subir à peu près le même destin en France que Ben Ali en Tunisie. Hein, vous voyez, ces révolutions ces soulèvements populaires, même s'ils sont parfois manipulés et déinstrumentalisés, ça c'est autre chose, mais ces soulèvements populaires réels du Maghreb, j'aimerais bien qu'on les mêmes un jour en France, parce que je pense que la France a le même genre d'élite corrompue, honteuse, inféodée d'ailleurs aux mêmes puissances qu'au Maghreb, et que les Français honnêtes ont la même détestation de leurs élites que les Maghrébins honnêtes, et que j'espère que nous suivrons l'exemple des peuples égyptiens, tunisiens. Sur la Libye, c'est plus compliqué, donc j'en parlerai pas facilement comme ça. Mais voilà, je me dis, finalement, c'est un exemple à suivre. Voilà. Hein. Par ailleurs, c'est sûr que pour faire peur aux Français par rapport à ce qui se passe en ce moment, agiter la menace d'une fuite massive des gens de ces pays pour migrer vers le Nord, effectivement, est quelque chose de très dangereux, parce que même moi, je ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite, évidemment. Mais ce qu'on peut faire remarquer, c'est que si ces pays étaient bien gérés, bien gouvernés, et ils n'étaient pas sous la domination impériale qui a mis en place des gens à leur service qui spolient leur pays, qui partagent mal les richesses et qui répondent aux légitimes demandes de leur peuple par la violence policière, s'il n'y avait pas tout ça, il y aurait des citoyens du Maghreb qui vivraient heureux et prospères au Maghreb, et ils n'auraient pas le désir de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Voilà. Donc je pense qu'au départ, le problème aux légitimes demandes de leur peuple par la violence policière, s'il n'y avait pas tout ça, il y aurait des citoyens du Maghreb qui vivraient heureux et prospères au Maghreb, et ils n'auraient pas le désir de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Voilà. Donc je pense qu'au départ, le problème est là. C'est que ce néocolonialisme mal honteux, mal déguisé, ces traîtres à leur nation et tous ces mensonges et ces inégalités accumulées font une situation qui font que les rapports Nord-Sud aujourd'hui sont très explosifs, effectivement, que c'est très inquiétant. Mais je pense que ça pourrait être très bien réglé si simplement il y avait des élites légitimes dans les pays du Maroc qui partagent correctement la richesse de leur pays, qui développent avec ces richesses, développent le pays harmonieusement, créent de l'emploi, offrent un destin et un avenir à leur jeunesse. Je ne pense pas que le destin d'un jeune Algérien, Tunisien, Marocain, Libyen ou Égyptien soit de venir à tout prix faire les poubelles de la banlieue parisienne. Voilà, c'est normalement, ils devraient pouvoir vivre et être heureux dans leur pays d'origine. Et s'ils ne le peuvent pas aujourd'hui, c'est à cause de la trahison de leurs élites et aussi de la manipulation de ce que j'appelle l'Empire, et l'Empire ayant effectivement à voir avec les élites françaises. Mais je le dis bien, avec les élites françaises, pas avec le peuple français. Et ces élites françaises qui oppriment, manipulent et trichent par rapport au peuple du Maghreb font exactement la même chose avec le peuple de France aujourd'hui, que les gens qui m'écoutent en ce moment en aient bien conscience. L'Empire ne crée pas tout. En fait, l'Empire, sa spécialité, comme toujours le pouvoir, les réseaux et les organisations, c'est de manipuler et de récupérer. Voilà. Donc il y a une colère populaire qui s'accumule pour des raisons démographiques, politiques, morales, géopolitiques. En Tunisie, on pourrait l'analyser très bien puisque c'est par là que ça a commencé. Le peuple se soulève, et là, l'Empire, notamment l'Empire dont le siège est aux États-Unis, il a d'ailleurs avant été à Londres, il a pu être à un moment donné à Anvers, il a pu être même à Venise, selon les périodes de l'histoire. Hein. L'Empire se déplace selon les périodes. Aujourd'hui, l'Empire règne à travers les États-Unis. Et une fois de plus, d'ailleurs, ce n'est pas le peuple américain, hein, c'est l'Empire et aux États-Unis comme un asticot dans un fromage, au détriment du peuple américain lui aussi. Et cet empire, bon, a très bien pu lâcher facilement Ben Ali, parce que pour lui, c'était pas un gros problème. C'est surtout, à la limite, un problème pour la France, qui va perdre ses marchés par rapport aux Américains. Mais c'était pas un problème majeur. Donc, ils ont dit à l'armée que Ben Ali ne contrôlait pas, et qui était formé par les Américains, vous lâchez Ben Ali. Ben Ali est parti, boum, avec son pognon, en Arabie Saoudite, hein, c'est pas un hasard, tout ça. Et bon, c'était, voilà. Et après, ben, il y a la tentative du peuple tunisien d'avoir des réponses à ses demandes, de ne pas se faire avoir et rouler dans la farine. Bon, ça continue encore en ce moment. L'Égypte, c'est encore autre chose, parce que l'Égypte, il y a le problème de Gaza, qui est fondamental, hein, du blocus. Et on verra si le peuple égyptien gagne son bras de fer contre l'oligarchie mondiale à travers ce qui se passera sur le blocus de Gaza. Si, dans quelques mois, le blocus de Gaza est ouvert, c'est qu'on va dire le peuple égyptien aura gagné. Si le blocus est maintenu, c'est qu'en fait l'oligarchie aura gagné. Pour l'instant, c'est un combat quotidien avec des manipulations. C'est compliqué. Ça se joue au jour le jour. Il y a des tas de protagonistes en jeu. Mais je vous dis, le marqueur pour l'Égypte, c'est la situation de Gaza qui dira si le peuple a gagné ou s'il a perdu. Enfin, pour moi, c'est un marqueur clair. Quant à la Libye, c'est autre chose. Il faut bien comprendre que Kadhafi était un résistant à l'Empire pendant des années, qui à un moment donné s'est fait punir par l'Empire et a failli en mourir, et qui a petit à petit basculé discrètement du côté de l'Empire. Et en réalité, c'est l'Empire, c'est-à-dire les multinationales américaines, qui ont progressivement cassé le statut que Kadhafi avait acquis en Libye quand il avait fait la révolution, où il avait nationalisé le pétrole, multiplié les salaires par deux, divisé les loyers par deux, c'est-à-dire créer un respect de son peuple par des acquis objectifs. Finalement, après avoir été menacé physiquement par l'Empire, il a lâché du lest et laissé les Américains revenir dans le système économique libyen. Les Américains ont créé la crise économique, comme ils le font toujours, et finalement isolé de plus en plus Kadhafi par rapport à son peuple, et aujourd'hui il le liquide. Voilà. Alors il liquide un Kadhafi fatigué, un Kadhafi à mon avis un peu dément, un Kadhafi de toute façon qui a perdu totalement le contrôle et qui n'est plus un résistant à l'Empire depuis longtemps, et qui à mon avis n'a plus comme choix que de mourir les armes à la main. Et c'est une guerre civile à mon avis qui va être violente en Libye, mais qui risque de justifier l'intervention en réalité par l'ONU de l'armée américaine, qui a tout intérêt et le désir de prendre pied sur ce territoire pour contrôler ce qui se passe en Égypte et toutes ces colères qui montent dans le Maghreb. Donc la chute de Kadhafi est quelque chose d'inéluctable, et sans doute aujourd'hui personne ne peut défendre Kadhafi, mais par contre il faut bien comprendre que derrière il y a sans doute la volonté pour les Américains de mettre le pied sur cette position centrale du Maghreb pour contrôler ce qui se passe autour, car ils sont inquiets de l'évolution des colères du Maghreb, du monde arabe, qui s'étend aussi au Yémen, à la Jordanie, et notamment par rapport à la situation d'Israël, qui est toujours la question clé, et si on réfléchit bien, et le problème, je dirais même le problème du monde, voilà, si la Troisième Guerre mondiale arrive demain, ça sera quand même, si on y réfléchit bien, à cause d'Israël, voilà, hein, de sa sécurité, de ce que ça coûte, de l'engagement américain, des tensions que ça a créées. Si tous les leaders du Maghreb étaient très très mal vus par leur peuple, c'était à cause, et notamment en Égypte, de leur soumission totale à l'entité sioniste. Il y avait une coupure totale entre le peuple de ces pays-là qui est pro-palestinien et les élites qui sont honteusement sionistes, comme chez nous d'ailleurs en France, et notamment depuis l'affaire de Gaza et l'opération Plomb durci. Et ça a contribué, cette soumission totale des élites à l'oligarchie mondiale, à l'oligarchie américano-sioniste, ça a contribué aussi à la chute, au déshonneur et à la détestation de ces leaders du Maghreb. Hein. Donc le marqueur israélien est toujours très fort dans ces histoires-là. Voilà. Et voilà, donc c'est complexe, c'est différent pour chaque pays. La Tunisie n'est pas la Libye n'est pas l'Égypte, l'Algérie c'est encore autre chose, c'est pas moi qui vais vous expliquer ce que c'est, vous le savez mieux que moi. Il y a eu une guerre civile en Algérie il y a déjà 10 ans, qui a été réprimée par la manipulation et le sang, et qui a fait dans cette guerre civile 150 000 martyrs, voilà, hein, c'est une guerre d'Algérie dont on parle assez peu souvent, pour ceux qui parlent toujours de la guerre d'Algérie avec les Français, qui a eu lieu en 60, il y en a eu une très très saignante qui a eu lieu dans les années 90, dont beaucoup de gens ici, qui nous montrent toujours du doigt, finalement, parlent assez peu. Voilà. Et donc là aussi, je rétablis une vérité. La guerre d'Algérie dont il faudrait parler, si on était un peu digne en France pour certains, je dirais, doubles nationaux un peu manipulateurs, c'est la guerre d'Algérie qui a tué 150 000 Algériens musulmans il y a 10 ans pour spolier le fils du pouvoir qu'il avait légitimement gagné démocratiquement par les urnes. Voilà. Et comme je le dis dans mon livre, c'est aussi ça, c'est rétablir l'histoire à peu près honnête et sérieuse. Parce que tant qu'on croit aux histoires officielles, que ce soit l'histoire officielle de la France, l'histoire officielle de la Deuxième Guerre mondiale ou l'histoire officielle de l'Algérie imposée par le FLN, et le FLN des généraux du pouvoir, pas le FLN des résistants de la première heure, Les gens savent que ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Tant qu'on croit aux histoires officielles, ce qu'on appelle le roman national, on ne peut rien comprendre et on ne peut être que dans des situations, je dirais, d'opposition brutale, de haine entretenue, des situations manichéennes, un peu stupides, et qui ne nous aident pas à nous libérer de la domination. Voilà. Donc un des boulots que je fais dans mon livre, c'est pas facile, c'est détricoter les romans nationaux, que ce soit le roman national français de la Révolution française, mais aussi le roman de la colonisation, le roman de la décolonisation, le roman de la Deuxième Guerre mondiale, et d'autres sujets dont on ne peut pas parler, parce qu'en France, ça tombe même sous le coup de la loi. Voilà.